Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Allemand Girl, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. Ce soir, on a encore une jolie petite rafale de nouveautés à découvrir ensemble. Là, on est sur de la nouveauté plus underground et obscure. On aura du Arborescence of Wrath, Reckless, Afterbirth, Blastostisia. Et en un peu plus connu, on aura les Frenchies de Mortuary, Cirrus on Gaul. Et autres, la doublette d'ouverture pour ce soir, comme la semaine dernière, Cannibal Corpse et Gultrip. Cannibal Corpse, voilà les bouchers floridiens qui nous sortent un très très très très bon nouvel album, Chaos Horrifique. Le second, enregistré avec sur Eric Rutan à la guitare. Et en doublette, donc, nous aurons les Anglais de Gultrip, le groupe de hardcore qui sort son nouvel album, signé chez Malevolent Music, Severance, c'est son nom. Surrounded by Pain, le titre de Gultrip, Fracture and Refracture, le titre de Cannibal Corpse, que du bonheur en boîte à s'écouter pour cette première doublette. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Preoccupation. Pour la suite de l'épique En veux-tu, en voilà, avec tout d'abord les Irlandais de Primordial qui nous sortent encore une fois une pièce absolument magnifique. How It Ends, sorti fin septembre chez Metal Blade. On s'écoutera d'ailleurs le titre de ce magnifique album une fois de plus de Primordial, qui laisse de plus en plus de côté ses inspirations black metal, mais il conserve toujours cette ambiance sombre et froide avec une musique heavy folk très Irish forcément et épique comme pas possible. Cirrus and Ghouls ensuite, toujours de l'Epic Doom. Les vétérans américains ont annoncé récemment d'ailleurs cesser leurs activités live. Encore quelques concerts choisis l'an prochain et ce sera la fin. Une sortie également Metal Blade qui a vu le jour toute fin octobre. On s'écoutera le titre Relentless. Et je vérifie que je vous ai bien donné toutes les infos. Normalement, on est plutôt pas trop mal. Hop. Et ben voilà, c'est parti, du bon gros Heavy Doom avec Cirrus and Ghouls et juste avant ça Primordial. Let's go! We'll be right back. pour la suite, on est sur quelque chose de d'émotionnellement très chargé avec la doublette à venir. Donc tout d'abord les Allemands de Sulfurion, la formation d'Occult Death a bénéficié d'un superbe focus la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut. Voilà, 5 ans se sont écoulés depuis le précédent album, on est sur des compos toujours généreuses hein, qui font 6 à 9 minutes. C'est hyper prenant, voilà, toujours vraiment ces inspirations lovecraftiennes pour venir alimenter ce Blackening Evil Death de très très haute couture. Svalbard ensuite, groupe de post-hardcore, post-metal qui nous vient d'Angleterre, actif depuis une dizaine d'années, emmené par une vocaliste absolument exceptionnelle. Ils viennent de signer au passage chez Nuclear Blast pour ce nouvel effort studio. Voilà, c'est toujours viscéral, mélancolique. On a à la fois du gros break et des passages vraiment clean, vraiment post-rock qui peuvent un peu perturber. Mais l'ensemble dans sa globalité se marie très très bien. Arcane Cambrian Sorcery, le titre de Sulfurion, extrait d'album Seven Crowns and Seven Seals. Svalbard ensuite, le titre Defiance, extrait d'album The Weight of the Mask. C'est parti. Of the stars, cosmic copulation breathed the dawn of light before there was life, and the moon was the eye. Ancient hostility burned for galaxies afar. Nature hostile, deities. Arcane Cambrian Sorcery Millennia Red Ferocity. Arcane Cambrian Sorcery. We'll be right back.

On continue de dérouler tranquillement l'émission de ce soir. Il faut dire que la part belle est donnée à des formations venues du Royaume-Uni ce soir. Là, on passe maintenant à Grove Street, autre formation inspiration hardcore, trash hardcore même. Ça nous vient de Southampton. Ils sortent là leur tout premier album studio longue durée. Ça va chercher dans des influences croisées entre Suicidal Tendencies et Power Trip. Grove Street, terriblement efficace, ce que nous propose la formation anglaise. The Past Freshness, le titre de leur nouvel L4 Studio, on s'écoutera le titre Born to Lose. Afterbirth, ensuite, seconde nouveauté dans l'émission de ce soir. Afterbirth, c'est du Brutal Death, un peu prog, ça nous vient de New York. Le groupe a été assez actif dans la première moitié des années 90, avant de splitter et de se reformer il y a environ 10 ans. Le groupe sort là son troisième effort studio, chez Willow Tip Records. On retrouve une dizaine de titres, 35 minutes d'un Brutal Death assez inventif, voilà, je suis déjà bien fatigué, moi, dis donc. Un peu d'inspiration Warmed, en plus old school, c'est pour vous donner un peu les ambiances. On note également des gros ajouts d'enrichissement, synthé, percussion, etc. D'où, entre guillemets, les inspirations progressives. Cependant, en termes de gras, on est sur du dévorement des miliches au niveau des vocaux. Voilà. À moitié proto-slam, toilet bowl au niveau du son. Et à côté de ça, on est sur quelque chose de plus inspiré. Et voilà, c'était une des premières étapes avant de la popularisation de ce qu'allait être le Brutal Slam Death. C'est parti donc, Grove Street, Born to Lose, Afterbirth, Vomit on Humanity, extrait de l'album I'm But in But of Not, c'est parti. I gotta stay fighting, we'll be right back. Doublée suivante, doublée de formation francophone qui évolue dans deux styles différents cependant. On a tout d'abord Storturn, formation mélodique Black Death assez tech d'ailleurs, qui nous vient de Suisse, actif depuis une quinzaine d'années, c'est riche, c'est inventif, et voilà, sans que ça vire à la démonstration non plus. Numidian Killing Machine, ensuite, on est sur du Blackening Speed Trash qui nous vient d'Alger. Voilà, un bon équilibre entre du trash, du speed et des petites influences proto-black. On retrouve Monsieur Redouane Awamer de Lelael en tant que vocaliste de session sur ce projet de Numidian Killing Machine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on s'écoute ? Storturn, le morceau De Inferno Solis, extrait de l'album Finitude. Numidian Killing Machine, on s'écoutera le titre Numidian Prophecy, extrait de l'album Psychotronic Breakdown. Et c'est parti. We'll be right back. أسول ولث تشك أيب سلك تسيرتا Insane.